Saladin à la bataille galoche, donc il n'y aura aucun palais en défense. Il va donc attaquer, il va dégalocher en faisant trois pas, là, tout de suite. Donc il va essayer de l'avoir avec son premier palais en faisant trois pas. Voilà. Là, donc, comme la galoche est restée plus près du vipar, c'est la petite pièce métallique qui est dessus qui fait le point. D'accord. Comme il est resté plus près, et trop près pour qu'il puisse l'avoir, il l'a donc relevé, et le lipar vaut deux points maintenant, hein, parce que c'est la galoche qu'il a eue. Donc là, il met un palais en défense maintenant pour empêcher l'autre d'avoir le point. Les deux points qui sont dessus. Donc maintenant, c'est l'adversaire, c'est jusqu'à son tour d'aller au but. Quoi. Ah, il double le palais de l'autre, et maintenant il va frapper, il va faire les trois pas. Ouais. Il n'a pas eu, c'est encore la galoche qui est plus près. Donc maintenant, il y a trois points dessus. Logiquement, la galoche va lui partir, mais le terrain est très bon. Donc là, il n'y a plus de palais, il n'y a rien, la galoche est renversée, on enlève tous les palais. Mais ça vaut 3 points. Là, il n'a fait que la frôler encore pareil. Donc il va essayer maintenant, comme il y a donc 20 cm, il va essayer de piquer, de mettre son deuxième palais plus près du lipar que menait la galoche. La galoche, c'est le morceau de bois. C'est fait. Donc il marque 3 points. Donc ici, à nouveau, le jeu ouvert. Il peut donc attaquer avec son premier palais, faire 3 pas. La galoche est partie suffisamment loin pour qu'il marque le point avec son deuxième palais, mais il perd son deuxième palais parce que logiquement, il doit le jouer. Quoi, hein. Mais comme il y a donc 2,50 m, bon, il n'est pas obligé de le jouer, c'est trop facile à faire. Quoi. Donc ça fait 3-1 au score. Salut Pierre. Bonjour. Bonjour. Le terrain est trop mou. Quoi. Trop mou, il faut jouer sur du goudron dur ou ben, sur ça, du c'est ciment. Une route qui a été refaite cette année. Quoi. Donc, et pas encore. D'accord. Et vous jouez toujours sur des croisements de route ? Non. La plupart des communes ont un galochodrome. Mais aujourd'hui, ça, c'est une tradition que le concours du 1er mai se passe dans ce quartier ici. Quoi. Donc, c'est pour ça que c'est ici. Autrement, c'est toujours au galochodrome. D'accord. La partie est gagnée en combien de points ? En 15 points. Avec 2 points d'écart ? Non. 15 points. Ouais. Donc là, il laisse le meilleur, celui qui estime le meilleur palais de défense. Parce que, donc ici, c'est pareil, il va essayer de le doubler pour essayer de prendre le point. Voilà, il va essayer de mettre un deuxième palais un peu plus près maintenant. Donc il laisse le meilleur palais, toujours pareil. D'accord. Là il le prend, comme il avait un peu d'espace, il est rentré dans son premier palais, il marque le point. Mais si son palais était parti aussi, il le vendait à l'adversaire. Ça pouvait... Et quand même, chaque personne là est très très précis, quoi. Il joue beaucoup. Ah oui. Oui. Parce que là, il y a un bon niveau, non ? Oui. Enfin... Oui. Ça se joue dans toute la Bretagne ou... Non, que dans le pays Bigoudin. Que dans le pays Bigoudin. Oui. Et j'ai entendu parler qu'il y avait un championnat d'Europe des jeux de palais. Un championnat d'Europe ? Non. Ou une rencontre ? Non, il y a une rencontre, oui, mais c'est simplement pour que les différents jeux de palais se comparent, quoi. C'est pas un championnat, ce n'est pas... D'accord. Non. Chacun a ses caractéristiques et puis a ses qualités, ses vertus, et puis on ne cherche pas à... Oui, c'est dans... à la fin du mois, les 27 et 28 mai. D'accord. Et vous avez un club à l'Esconil, c'est ça ? Oui. Et vous y allez ? Ah oui, bien sûr. Ouais. Ça a lieu où ? À Plonée-en-l'Envers. On y reçoit des Italiens, des Espagnols de Galice, les Portugais, les Portugais, les Gallois et les Écossais, les Flamands, et puis différentes régions de France, encore les Palais du Gers, Palais Vendéen, Palais de ma mère, c'est palais normand. Et puis différents palais de Bretagne. Quoi. Il y a Galoche Bio de la région Nord-Finistère. Palais sur route de la région de Pontivy. Palais sur terre de la région de Carré. Et palais sur planche de la région de Rennes. Et tout cela vient après nous. On pensait le dimanche à un rassemblement de 400 joueurs. Vous avez des jeunes à l'Esconil qui s'y mettent? Quelques-uns, oui, pas beaucoup. Ok, voilà. Merci beaucoup. Il n'y a rien. Merci. Mais c'est pas simple, quoi. C'est un jeu assez technique. Non, c'est ce que je vois. Je suis quand même assez impressionné par l'adresse des joueurs et l'adresse des joueurs. Là, parce que... Puis là, bon, c'est que la partie d'échauffement, donc les joueurs prennent davantage de risques. Ils vont davantage chercher. Tout à l'heure, ils prendront moins de risques. Ok, merci. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais.